Oh, il se passe de quoi d'intéressant le 30 janvier prochain. Et je laisse l'homme nouvelle, évidemment, dignement vous adresser la bonne nouvelle à vous tous et vous toutes. Vous devez être au courant de ce qui va se dérouler le 30 janvier prochain. Oui, ben Ken, on en a déjà parlé quelques fois. Il y a un gala professionnel au Québec, c'est Ringside MMA qui va avoir leur cinquième gala de combat. Et on a des billets à faire tirer. Alors au Centre Claude Robillard, le 30 janvier, à partir de 7 h, il va avoir des bons combats avec des bonnes jeunes stars du Québec, du Canada et d'un peu partout. On vous recommande tous d'y aller. Puis on a une question à poser là que vous allez avoir la réponse dans l'entrevue qui va suivre. Alors Ken, vas-y. Oui, effectivement, parce qu'on vient tout juste de faire une entrevue avec Guillaume Lamarche. Vous devez écouter l'entrevue et vous allez vous apercevoir, un, que Guillaume Lamarche est très intéressant, deux, que la réponse, évidemment, est dans l'entrevue. Et la question est, Guillaume Lamarche, lors de notre entretien, mentionne un nom auquel il aimerait affronter d'ici le mois d'avril 2010. Cet adversaire-là, on veut avoir son nom, un petit indice, là, parce qu'on est sympathique. On l'a également déjà reçu en entrevue dans La Voix des Guerriers. Alors, vous mentionnez le nom de ce dit individu et vous envoyez ça à radio, à commercial, mmanouvelle.com. Vous inscrivez dans l'entrevue avec Guillaume Lamarche. La réponse est le nom en question et vous courez la chance de remporter une paire de billets au parterre pour assister le 30 janvier prochain à l'événement Ringside. Alors, bonne chance à tous et toutes et bonne émission. Bonsoir ou bonjour, peu importe, vous êtes dans la voie des guerriers. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Frédéric L'Homme, Nouvelle Garcia est avec moi, évidemment. Et on va rencontrer ce soir où nous, on est ce soir. Alors, un jeune homme qui s'entraîne avec Yannick Bergeron à Drummondville. Il s'appelle Guillaume Lamarche et le 30 janvier prochain, à l'occasion du Ringside, il va affronter Randy Stanky. Et oui, alors bonjour Guillaume. Salut, ça va bien? Ça va super bien, mais le monde s'en fout comment je vais, moi, personnellement. On veut savoir comment Guillaume se porte à quelques jours d'un combat. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ma tête, pour un chose, je commence à avoir pas mal d'expérience encore. Fait que dans ma tête, pour l'instant, c'est pas de quoi qui. Mon combat n'envahit pas trop ma tête pour l'instant. Là. Ça va plus, je dirais quasiment la journée même là, que je commence vraiment. Ça commence à. La journée avant, là, 2 jours avant, ça commence à m'empêcher de dormir un petit peu. Je commence à y penser pas mal. Là. Mais pour l'instant, on va dire, je commence à être une routine pas mal les combats. Fait que je commence à être pas mal moins stressé que dans les premiers combats, mettons. Effectivement, c'est déjà ton 8e combat professionnel en MMA. Tu as seulement 2 défaites à ton actif, mais c'était face à des gars quand même, Adrian Woolley et William Romero, excusez, qui vient tout juste de signer avec Bellator. À eux deux, ceux qui t'ont battu ont une fiche de 11 victoires et 1 défaite. Alors, c'était vraiment des combattants sérieux. Les autres combats auxquels tu as participé, tu les as tous remportés, dont 4 de ces 5 victoires-là acquises par soumission. Est-ce que tu as d'autres, j'imagine que tu as d'autres expériences, en amateur, en shoot boxing, tu dois avoir des combats. Parle-moi un peu de ton expérience, je ne sais pas également si tu as fait des combats en kickboxing. Quelle autre expérience dans les sports de combat que tu as? OK, en amateur, j'ai fait plusieurs combats en kickboxing. En tout, là, si j'additionne tout, kickboxing, shoeboxing, j'ai fait environ une quinzaine de combats. Si je vais en kickboxing, j'ai eu environ quelque chose comme 8 victoires environ, seulement un revers et un match nul. J'ai jamais eu la chance de me battre pour un championnat ou pour une ceinture. Ça n'a jamais donné. Et puis en shoeboxing, j'ai eu une fiche parfaite de 6-0. Qu'est-ce qui m'a amené finalement à m'en aller professionnel quand même assez vite, quand on a vu que ça allait pas bien en shoot boxing, vu que c'est quand même assez similaire à part la grosseur des gants puis quelques règlements. Donc là-dedans non plus en shoot boxing, j'ai pas eu la chance d'avoir le titre. Fait que c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, là, mais on a eu diverses raisons, comme quoi des fois même que j'étais trop fort pour les adversaires, des fois. Donc C'est spécial un peu comme Carl, là, mais j'ai jamais la chance de battre pour une ceinture à cause des raisons dans ce style-là. Quelles sont tes forces, Guillaume? On présume que, bon, debout, ça doit être l'une de tes forces puisque tu t'entraînes avec Yannick Bergeron. Mais sinon, décris-nous un peu ton style puis le genre de combat que tu aimes faire. Mon style, je veux dire, j'ai commencé pas mal à faire les deux en même temps. J'ai commencé à faire du sol en premier de tout. C'est ça qui m'attirait plus. Moi, mon chum de gars, qu'on a commencé tranquillement pas vite. Et puis, je regardais le monde faire du stand-up. Puis, j'ai commencé à en faire de mon bord aussi. Et puis, j'ai commencé à voir en même temps. Je pourrais dire que j'ai plus d'heures d'entraînement debout, c'est sûr. Mais c'est qu'est-ce qui fait que je suis un athlète quand même complet. C'est que j'ai tout à fait les deux sans vraiment mettons, me spécialiser pendant 4-5 ans en kickboxing, puis un jour voir du combat ultime, puis décider de m'en aller vers là. J'ai vraiment commencé à triper sur le combat ultime, puis j'ai évolué dans les deux disciplines. Fait que c'est que je suis quand même complet. Fait que je te dirais que j'ai plus de soumission dans mes victoires à cause que quand je pognais des gars, justement, qui avaient moindrement de sol, ben moi j'avais un plan de match, c'était de l'amener au sol, puis de finir en soumission. Puis ça partait tout à fait comme plan de match. Donc c'est pour ça que j'ai gagné souvent par soumission. Et puis, je suis un gars bien à l'aise sur mon dos. J'aime autant travailler debout qu'au sol, je veux dire. Qu'est-ce que tu connais de ton adversaire que tu vas affronter? Est-ce que tu sais si lui est meilleur debout ou au sol? Ben, grâce à la super magie d'Internet, j'ai réussi à avoir environ 4-5 combats de lui facile. Puis en plus, c'est tous ses derniers combats. Donc, je sais que c'est un gaucher. Je sais qu'il s'est extrêmement fermé avant. Puis dans le fond, il sort gros de toutes les armes que gaucher pourrait avoir, que ce soit son crochet avant, que ce soit son arrière et son round kick arrière. Donc ça c'est quoi qui sort un peu moins, puis les gauchers, normalement, ils servent beaucoup. Mais je sais qu'il y a des mains très rapides, parce que j'ai vu dans ses combats. Côté sol, il a l'air à se débrouiller. Je suis pas vraiment un lutteur, parce que j'ai couru dans ses combats. Mais courant juste son dos, il a l'air à l'aise. Et puis je pense qu'il est un peu comme moi, là. Il aime autant se battre debout qu'au sol, donc je pense qu'on va y aller comme ça va aller, là. Puis en... Mais je pense qu'il est quand même assez complet, lui aussi. Vous avez des fiches d'ailleurs assez similaires. Toi, c'est 5 et 2, alors que Randy Stanky, lui, c'est 5 Yes. et 3. Il a également 4 de ses 5 victoires par soumission. Bon, il est sur une séquence de 2 défaites. Toi, bon, tu n'as pas encore eu l'occasion, puis on ne te le souhaite pas, d'encaisser des défaites de manière successive, là. Tu as eu 2 défaites, mais c'est bon, à ton deuxième combat, puis à ton avant-dernier combat. Sinon, ce ne sont que des victoires. Est-ce que tu penses que après 2 défaites consécutives, tu peux profiter peut-être d'une faiblesse au niveau de sa confiance à Randy Stanky? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ou ça, ça t'importe peu, dans le fond? Ben moi, ça m'importe un peu parce que ça, c'est un stress qui m'est inutile d'avoir. Puis deuxièmement, écoute, tout le monde est différent dans leur tête. C'est comme moi, quand je me suis fait knocker comme Romero, je riais pas de ça, mais quasiment le lendemain, là, tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui s'est effondré avec ça. J'avais juste hâte de mordre puis de remontrer au monde que c'était une erreur de passage puis qu'il a été un peu chanceux de me pogner avec son overhand. Et puis fait que c'est pour ça que tu sais, je vois pas que ça pourrait changer dans mon plan de match à moi, là. Mais je pense pas vraiment que ça nuit. Si vraiment c'est un bon athlète, je pense qu'il est capable de se repasser par-dessus ces 2 défaites. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai pu voir dans sa fiche, c'est que ce gars-là a gagné contre des personnes de moins haut calibre et il a perdu contre des personnes de trop haut calibre pour lui. Il a pogné un gars, William Chikirim, je sais pas trop. Un Brésilien, de quoi même au shoot-out, il y avait quelque chose comme 14-2. Donc ça vaut aucun sens de se battre contre ce gars-là, mais il a eu courage d'y aller. Donc, à ce que je peux voir avec ce combat-là, c'est un gars qui a peur de rien. Donc, je m'attends à ce J'adore que les défaites ne l'aient pas affecté. ta dernière réponse, Guillaume, là, parce que je m'écoutais poser ma question, puis je me suis rendu compte que ma question avait vraiment ni queue ni tête, là. C'est une question assez stupide, mais tu as quand même répondu, là, puis tu as amené des éléments vraiment pertinents. Guillaume, ta préparation pour ce combat-là, tu t'entraînes depuis quand pour Randy Stanky? D'ailleurs, ben, d'abord, est-ce que tu as vraiment un plan de match juste pour lui? Parce que, bon, des fois, c'est embêtant, hein? Tu as un combat que tu prépares longtemps d'avance, puis 3 jours avant, ben, tu t'aperçois que tu changes d'adversaire. À ce moment-là, est-ce que c'est mieux de pas trop se concentrer sur l'adversaire en question? Ben, dans mon cas, j'avais pas d'adversaire avant une semaine. Ça fait juste une semaine que je me bats contre Randy. Donc, je m'entraînais à tous les jours, à toutes les semaines, sur tous les aspects, que ce soit ta journée de jiu-jitsu, ta journée kickboxing, une autre journée de la lutte. Après ça, je pouvais monter au Tristar, aller m'entraîner avec d'autres bons adversaires du temps pour varier mes adversaires. Mais c'est pour ça que ça fait vraiment juste une semaine que je sais que c'est contre lui que je me bats. Fait que je vais s'entraîner sur tous les aspects, mais c'est pour ça que je n'ai pas pu vraiment me créer plein de matchs. Mais en voyant ses combos sur Internet, quand je l'ai su, ben, j'ai vu qu'il était quand même un gars complet comme moi. Fait que c'est parfait. Moi, comme j'ai dit, je vais y aller comme le combat va venir. Là, j'ai pas vraiment plein de matchs en tant que tel. Je vais faire attention à sa mariage pour pas que ça fasse comme Romero. Je pense que j'ai une leçon là-dessus. Puis je vais m'arranger pour que ça paraisse. T'as mentionné le Tristar. Dis-nous, c'est quoi tu préfères là-bas? C'est-tu parce qu'il y a tellement de professionnels ou c'est plus grand ou qu'est-ce qu'il y a de si spécial au Tristar que vous retrouvez? Ben, c'est pas vraiment que ce soit le gym en tant que tel, c'est le fait aussi que ça nous permet de varier nos adversaires. Parce que si, mettons, m'entraînais juste à mon gym où je m'entraîne, mettons, t'es Bergeron, ben, ça reste que c'est tout le temps quand même nos mêmes partenaires avec qui on s'entraîne. Donc, on finit par être habitué de faire du sparring un contre l'autre. Fait qu'on apprend un peu moins comme ça. C'est super bon, c'est sûr, mais tu sais, on finit par trop se connaître. Qu'est-ce que le fait d'aller au Tristar, et puis je remercie en même temps le Tristar de nous accueillir à chaque vendredi, ben ça nous permet de varier justement nos combattants, les styles de combat qu'on peut se battre. Parce qu'au Tristar, là-dedans, c'est varié. On va en avoir un lutteur, après ça, on va se battre contre un gars de Muay Thai. Après ça, on va se battre contre un boxeur. Tu sais, ça varie vraiment à tout, à la place d'être tout le temps avec les mêmes partenaires, puis de trop se connaître, justement. Et quand tu tombes sur des gars comme ça soit Georges St-Pierre ou Rashad Evans ou peu importe les grands pros qui sont là, est-ce que tu vois ça en te disant que tu veux te rendre là vraiment ou est-ce que tes voix qui sont à un niveau incroyable en tant qu'un gars qui est peut-être à un niveau plus au débutant si on veut, est-ce que quand tu vois des gars vétérans, comment tu les regardes? Puis regarde, je suis super content pour eux qui sont rendus ce qu'ils sont rendus là. Ben moi, je suis conscient, je vais battre 145 livres. Je suis conscient aussi que je suis quand même dans les organisations. Je veux dire qu'au Québec, c'est pas qu'est-ce qui. Il faut quand même vraiment faire sa place pour se remonter, vraiment se démarquer. C'est pas facile. Donc moi, je me bats vraiment parce que c'est une passion. Je me bats pas parce que je veux absolument me rendre au niveau à Saint-Pierre ou quoi que ce soit comme ça. C'est ma passion, puis j'en profite. Je me bats vraiment pas pour l'argent, je me bats parce que. Enfin, j'adore me battre, j'adore le sport. Alors, mais c'est sûr d'aller voir les voir s'entraîner tout, c'est le fun, là. Mais de manière qu'on voit Tristar, je me bats quasiment jamais contre eux autres parce qu'on reste, ça essaie quand même de rester dans des poids raisonnables un contre l'autre, justement, pour éviter les blessures. OK, ben c'est intéressant ce que tu disais de te battre pour toi-même parce qu'on ressent ça souvent avec pas mal tout le monde qu'on fait des entrevues dans le MMA, puis je trouve que c'est un aspect un peu différent avec d'autres sports, où ce que je pense pour plusieurs d'entre vous, justement, c'est de vous battre vous-même, de vous amener à un autre niveau le plus important dans tout ça. Ouais, ben c'est sûr, écoute, comme je disais, c'est pas les bourses qui nous permettent de faire ça 40 heures semaine puis de pouvoir s'entraîner. C'est même les commentateurs, c'est super dur à trouver parce que ça commence vraiment à passer dans plusieurs postes. À l'UFC, on a ça du lundi au vendredi, ça commence à être de plus en plus connu, mais on a extrêmement de misère à trouver des commentateurs et puis c'est vraiment pas évident de percer justement monétairement là-dedans. Donc, faut vraiment que ce soit la passion qui nous pousse là-dedans et non pas talent naturel, puis que bing bang, on peut se ramasser contre un champion du monde parce que tu sais, on a un talent naturel, puis c'est l'argent vite fait des fois aux États-Unis, tu sais, quand on a un gars qui a 3 KO, puis il se ramasse au UFC tout de suite. Tu sais, dans notre cas, il faut vraiment percer puis s'acharner, mais faut commencer par la passion, puis si on est capable de percer plus loin, tant mieux, mais faut commencer par juste aimer le sport puis s'entraîner pour. Ouais. Est-ce que tu t'identifies à un combattant sur la scène internationale, par exemple, que ce soit au UFC, au Strike Force ou peu importe l'organisation, est-ce qu'il y a un combattant que tu apprécies particulièrement? Que j'apprécie particulièrement, ça serait dur à dire comme ça vite fait, là. Il y en a énormément que je trouve beau, que je trouve bon tout. C'est sûr que des Anderson Silva puis tout ça. Mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est la diversité des styles, là. Je pense que tous les combattants ont quelque chose de différent, puis c'est tout le fun à regarder. Fait que j'ai plus ou moins de fighters vraiment que je tripe dessus, puis que j'adore regarder en tant que tel. Je pense que moi, tous les combats, le combat ultime, sont tout le fun à regarder, parce que tout le monde a des styles différents, à moins que ce soit deux gars pas de technique et qui sont des moulins avant, là. Là, je regarderai pas ça m'intéresserait même pas de pas, là. Dans n'importe quel combat technique, combattant technique, j'adore regarder. Puis j'aime pas mal tous les fighters, justement, parce que je sais que c'est après pour se rendre là. Puis, Ben, j'allais dire, parle-nous un peu peut-être des 24 heures avant ton combat, là. Comment que tu te prépares les 24 dernières heures avant ton combat? C'est quoi la routine ou y a-tu de quoi de prévu de spécial? Routine, oui. On a tout le temps la même routine avec notre coach. C'est sûr que là, après la pesée, on commence à se réhydrater parce qu'on je suis quand même assez déshydraté à peser. Et puis, sans trop exagérer quand même, mais je suis quand même déshydraté. On se réhydrate tant qu'il va pas vite, on se repose. Le soir, on a tout le temps la même routine d'aller au cinéma. Tout l'été major, on va tout le temps au cinéma. Après ça, ça nous permet de relaxer, de déconnecter un peu aussi. Pendant qu'on regarde le film tout, on passe pas à notre combat. Ça fait que ça nous déconnecte pendant ce temps-là. Puis après ça, la nuit, le matin, c'est juste de se binder. Puis la journée même, là, on se binde bien gros, là. Mais si on évoque le 24 heures, puis surtout la journée avant, là, c'est vraiment, on a la petite routine, c'est le cinéma, là, justement, parce que c'est un des meilleurs moyens, je trouve, de déconnecter. Est-ce que le film a été choisi déjà? C'est quoi? Est-ce que le film a déjà été choisi? Est-ce que vous savez qu'est-ce non, que vous allez... Non, ça, on va dire, on arrive là, puis on en choisit un, là, de manière, comme je dis, c'est vraiment pour déconnecter, fait qu'il soit bon ou pas, là. Peu importe. Ça dérange plus ou moins, là, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'a pas une bombe, même si on l'a déjà vu, c'est pas grave. L'important, c'est de déconnecter, puis de fixer nos yeux sur autre chose que de penser à d'autres choses que de penser juste à notre combat, puis de juste faire des scénarios dans notre tête, mettons. La journée du combat, qu'est-ce que tu vas manger? Tu manges combien de fois dans la journée? Puis c'est, tu manges-tu assez pesant, pas le plus léger possible? Ben, dans le fond, moi, j'ai quand même un programme avant que je me sens un peu, mettons, qu'est-ce que je peux faire? Je suis à Montréal, ben, je me mène un peu de bouffe que j'achète à l'épicerie, tout ça, pour dans l'hôtel. Mais c'est vraiment de manger protéiné, tout à reprendre nos vitamines que j'aurais pu perdre parce que j'étais en grosse diète puis tout, à reprendre mes carbohydrates, mes glucides, tout ça. Ben c'est vraiment de bien manger, mais pas trop non plus, parce que oui, on a faim, oui, c'est, on veut grossir un peu pour être plus gros dans la cage possible, mais l'important, c'est vraiment de se sentir bien dans la cage. Donc c'est juste de manger normalement, mais c'est sûr qu'on se permet un peu plus que la normale. Là. Mais sans trop exagérer, c'est sûr. Parle-nous un peu de l'entrée dans la cage. Comment tu te prépares? Est-ce que tu penses à quelque chose pendant que tu diriges dans la cage? Est-ce que c'est un moment que tu savoures? Est-ce que tu aimes ce moment-là? Puis parle-nous peut-être de la musique d'entrée, si tu en as une que tu aimes particulièrement. Ben moi, je veux dire, je change pas mal à tous les fois de tourne d'entrée. J'ai jamais vraiment gardé... Je suis pas un gars vraiment superstitieux, puis moi, je pense pas que changer de tune ou choisir telle tune va me permettre de gagner ou de perdre. Moi, je me baigne sur une tune avant, je me pogne une tune, genre, celle-là serait bonne. Puis si on regarde la chance d'avoir de mes combos, whatever, mon surnom, il va un peu avec mes entrées puis mes célébrations après. Je suis pas mal show-off. J'aime bien un peu danser sur mes tunes en rentrant, en donner à la foule un peu. Parce que comme j'ai tout le temps dit, la foule, elle paye pour voir le show. Fait, pour moi, c'est important de pour leur argent. Pas juste rentrer en fixant la cage puis avoir l'air d'un bête puis avoir l'air d'un tueur. Fait que non, j'aime bien ça donner un show puis je m'amuse avec la toune que je me choisis. Là, soit je me fais un petit scénario en dans ma tête qui dépendait de la toune. Mais chorégraphié. Ouais, c'est ça, rien de super chorégraphié. Là, juste un petit coup, je me parle dans ma tête. Ah, je pourrais faire ça pendant ce temps-là, puis là, ça sort tout seul quand je rentre. Là. Ben, c'est vraiment de m'amuser en rentrant. C'est même en rentrant, j'essaie de déconnecter un peu. C'est pas pour que ma patate pompe encore plus pendant que je rentre dans la cage, puis tu sais, juste fixer la cage, puis j'essaie de me décontracter justement de cette manière-là, en jouant avec la foule, puis en m'amusant en rentrant. Puis ça me permet de me détendre encore jusque-là, parce que c'est un des moments les plus stressants, c'est sûr. Combien de fois t'aimerais combattre en 2010? Est-ce que c'est un objectif que tu t'es fixé si tout va bien, le côté santé, puis que tout te permet de pouvoir t'exécuter le temps que tu veux, puis que l'entraînement, ça se passe bien? Combien de combats tu vises pour cette année 2010? Combien de combats, ça c'est vraiment dur à dire parce qu'il y a des blessures, il y a des affaires qui peuvent se blesser, whatever. Mais comme là, en gagnant ce combat-là, moi j'aurais aimé ça à ringside-là, me battre contre Mitch Gagnon. Mitch Gagnon ne pouvait pas. Je sais que lui aussi est intéressé à m'affronter. Donc, moi, après ce combat-là, gagnant, perdant, il y a des bonnes chances de battre contre Mitch Gagnon en avril. Et puis... En avril, c'est pour l'événement Rouek MMA, c'est-tu ça? Ou... Non, ça va être pour Ringside encore. Ah, OK, d'accord. Sauf que ça se pourrait... Tu sais, je sais pas... Je sais pas si ça va être vraiment, ça va vraiment aller ou pas. C'est trop tard pour dire ça. Mais c'est une des possibilités que je vais contre Mitch Gagnon. Puis après ça, ça va faire déjà un bon 2-3 mois que je m'aurais pas battu grand en avril. Ça va être un bon moment. Mais tout le temps, dans 2-3 mois, je me bats rendu au stade où je suis, mettons, professionnel. Au stade de nombre de combos aussi que j'ai. C'est important de prendre quand même un bon laps de temps avec les combats. Parce que tu sais, l'entraînement est rough et tout. Puis si on y va trop vite, ben des fois, on est plus ou moins prêt qu'on pense. Puis ça me donne une meilleure préparation d'y aller 2 ou 3 mois. Là. Moi, en tout cas, c'est vraiment ça que je vise. Si on y va au mois, c'est vraiment trop proche. Hey Guillaume, on te remercie beaucoup. Franchement, là, ça a été très intéressant de t'entendre répondre à chacune de nos questions, même si des fois j'en ai échappé une ou deux, là, tes réponses m'ont surprise. Puis honnêtement, ça a été très agréable. On te souhaite la meilleure des chances. On te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir, comme on l'a fait également à ton comparse parce que vous êtes trois, je pense, du membre Team Bergeron qui vont combattre demain, soit toi, il y a également Yves Lemelin et Chris Boisvert. Est-ce que c'est une expérience franchement, que vous vivez en équipe, victoire, défaite, j'imagine qu'on doit se supporter l'un et l'autre. Est-ce que c'est important pour toi de te présenter vraiment avec des gars de ta gang? Puis, qu'est-ce qui va être avec toi dans le coin? Bon, on imagine qu'il va y avoir Yannick Bergeron, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'accompagnent dans ton coin? Ouais, Yannick Bergeron, c'est sûr. Puis, l'autre personne va être. Son appel Chris, hein, son nom complet, son prénom complet, je sais pas, mais ça serait Chris Yaskevitch. Son nom de famille, je l'ai mieux. Fait que ça c'est Chris Yaskevitch, notre prof de lutte. Donc je trouve ça important d'arriver dans notre coin, d'avoir mon coach, c'est sûr, pour le stand-up. Puis quand moi je ramasse au sol, Chris va faire la job pour le reste. Comment t'aimes qu'agissent tes coachs dans ton coin? Est-ce que t'aimes qui te bouscule? Disons que tu connais un premier round qui n'a pas été à ton goût. Est-ce que t'aimes ça, un coach qui te bouscule, qui te parle fermement? Ou toi, t'aimes mieux quelqu'un qui va y aller de manière un peu plus songée, calmement, pour pas nécessairement que tu sois plus paniqué qu'autre chose? Comment t'aimes que les coachs agissent avec toi? Ben exactement comme mon coach agit, comme il agit là. Je pense que tu sais, il est conscient que c'est pas évident entre les rondes. On est essoufflé, on est un peu on peut être un peu même stressé, tout dépendant comment le round a signé. Si on pourrait signer un round avec en recevant un méchant kick dans la face, whatever. Fait que non, c'est important qu'il nous calme, c'est important qu'il nous ramène à la réalité, qu'il prenne le temps de nous expliquer qu'est-ce qu'il a vu de négatif pour l'adversaire, qu'est-ce qu'il a vu de positif qu'on pourrait y faire, whatever. Puis non, c'est vraiment de rester calme, là. Ça sert à rien de nous crier après ou de nous crier une claque dans la face ou whatever. Ou, ça sert absolument à rien. Faut vraiment qu'il nous calme puis tu sais, qu'il nous rappelle qu'il faut respirer tranquillement puis tu sais, récupérer le plus possible. Parce qu'une minute, quand on vient de faire 5 minutes intensif, là, c'est assez rough, puis c'est important de récupérer de redescendre nos pulsations le plus bas possible. Fait que de rester calme, c'est la solution pour moi. Hey, avant de terminer, je vais te laisser le temps de permettre, si tu veux, remercier des gens qui te supportent, ce soit des commanditaires ou peu importe, là, des gens près de toi, qui grâce à eux, ben, ça te permet de pouvoir t'entraîner adéquatement. Ouais, ben c'est sûr. Écoute, il y a Team Bergeron, toute la gang que je remercierai jamais assez, mon coach, mon entraîneur de musculation aussi, Denis Dionne. Et puis où est-ce que je m'entraîne aussi, le centre de musculation Club Superform aussi, où est-ce que j'ai commencé ma musculation récemment. Je pourrais remercier aussi Carve qui me fournit en linge également, qui est sport bon linge, puis qui me supporte là-dedans également. Mon Dieu, je voudrais pas en oublier, là, mais Mélissa Paré aussi, qui est ma massothérapeute, qui est très important, parce que je pense qu'après chaque entraînement, on est raqué, puis à la fin de la semaine, se faire masser, il n'y a rien de mieux. Puis, je dois l'oublier, là, mais écoute, il y a génétique nutrition aussi, puis Protein Plus, les deux qui me fournissent en tout ce qui est nutrition, parce que ça coûte extrêmement cher, justement, parce que ça nous prête énormément de vitamines, de glutamines, etc., de protéines, tout ce que tu veux. Fait que les suppléments, ça peut coûter quelques centaines de dollars, ça approche du 1 000 même par 2-3 mois, donc c'est important d'avoir ça. Fait que merci à tous ceux-là. J'en oublie, désolé, mais en tout cas, à mon combat, ils vont être bien affichés. Ah ben parfait. Puis de toutes les manières, nous, c'est sûr qu'on va avoir envie de te réinviter. À ce moment-là, tu pourras nous reparler de tes commanditaires parce que c'est important, je pense. Puis nous, on les remercie un peu parce que c'est grâce à eux qu'on a la chance ici d'avoir des combattants, qu'on puisse les voir évoluer. Parce que sans commanditaires, puis sans qu'il y ait des gens qui vont vous voir dans les amphithéâtres là où vous allez combattre, bien évidemment, ce sport-là ne pourrait pas exister. Alors un gros merci à toi. Puis on a bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec toi et de te reparler. Peut-être avant ton combat face à Mitch Gagnon d'ici quelques mois, on te le souhaite. Bon, ben merci beaucoup pour l'entrevue, puis j'espère que j'ai bien apprécié. Merci beaucoup, salut. Yes, bonne soirée, salut.